Un match tout à fait exceptionnel qui est survenu la semaine dernière dans la Ligue Midget 3A. Hugo Chiasson des Grenadiers de Châteauguay a repoussé 86 lancés. Eh bien oui, 86 lancés dans une défaite de 1-0 lors du match décisif contre la formation des Cantonniers de Magog. Question un peu de savoir un peu comment il a vécu cette soirée tout à fait spéciale. On lui pense. Salut Hugo. Salut, ça va? Ça va bien. Hugo, 86 lancés. Hey, parle-moi de cette soirée-là. Ça devait être... est-ce que tu sentais le caoutchouc après le match? Le caoutchouc brûlé, là. Tu devais sentir ça pas mal à la fin de l'an. Ah oh, ouais, ben... Mettons que quand je me suis levé le matin, je ne m'attendais pas à avoir une game aussi longue puis autant de lancés. Mais, tu sais, c'est ma seule job à arrêter à rondelle, fait que c'est pas mal une soirée tripante, là. Mais, sur 86 lancés, comme, y en a-tu beaucoup, y avait-tu beaucoup de retours, y avait-tu beaucoup de lancers de loin, en général, là? Ben, en général, c'était pas mal des lancers de loin, ils mettaient souvent des écrans, des screens pour me cacher, dans le fond. OK. Mais, les gars ont quand même limité les dégâts, là, ils enlevaient les retours, c'était pas mal une game avec beaucoup de tirs là, de loin. Quand t'es rendu à 74, 75, 76 arrêts, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Ben là... c'est 1-0, là, c'est en prolongation. Ah ouais. Ben, je serais plus me dire que je suis cool pour le fun. Là. Je continue à combattre pour chaque rondelle. Comme que je fais depuis le début là, de la game. OK. Il faut dire que c'est égalé un record. Puis un lancé qui appartenait à un certain. Je l'ai ici. Ça datait de 1988, ton record. Gaétan Nadeau, qui avait repoussé 86 lancés. Puis tu me disais avant de rentrer en autre qu'un lancé de plus, tu battais un autre record? Ouais, c'est ça. Il manquait juste un lancé, puis je battais le record. Là. Qui était de 87, c'était qui, hein? Est-ce qu'il était de loin? Je pense. Je me rappelle pas, je sais pas. OK. Puis le lendemain, comment tu avais de la courbature pas mal? Ouais, ben, comme j'ai dit, j'avais des ampoules au pied, puis j'avais aussi une collision, là, fait que mon cou, il était pas mal. Ouais. Il avait mal, là. OK. T'as-tu les joueurs de Magog, ont-ils été te féliciter après le match quand même? Vaut à peine. Ouais, ouais, tout le monde, après. Pendant la poignée de main, là, c'était tous des bons gars. Là, et ils m'ont tous déjà bien joué. Puis que c'était une grosse game. Aussi que le coach, les deux coachs aussi m'ont félicité. Ouais. Comme dernier match, là, tu peux pas demander mieux, parce que c'était ton dernier match dans la Ligue Midget 3. Là. Ouais, c'est ça. Ben, il reste la Coupe Dodge, là, mais dans les séries, ouais, t'as pas demandé mieux. Là, c'était une bonne soirée. Là. Faut dire, Hugo, que t'appartiens aux Saguenayens. Les Saguenayens, c'est notre équipe dans la région. D'abord, quelle sorte de saison t'as connue dans la Ligue Midget 3? Là? On entend parler beaucoup de toi, là, parce que t'as ton exploit. Ouais. Là. Mais dans l'ensemble, ça a été une bonne saison pour toi? Ben, au début, c'était quand même plus rough. Là. Le système défensif n'était pas à point. Puis là, avec le changement de coach qu'il y a eu, il a tout changé ça. Puis genre après Noël, là, on était une équipe différente. Là. C'est pour ça qu'on a surpris le blizzard au début des séries. Puis on a poussé jusqu'à la quatrième prolongation Magog, un match numéro 4. Donc pour vrai, ça a juste monté là, pendant la saison. T'es-tu un gardien de grande stature? C'était-tu... Non, je suis pas plus un gardien qui est souvent ses genoux qui... C'est un gardien de réflexe, dans le fond. Je suis juste MFI si je suis capable. Comment tu vois ton arrivée maintenant? Parce que les Saguenayens, l'an prochain, ils vont avoir une excellente équipe. Alexis Schenk va être ton gardien de but numéro 1. Comment tu vois ça? Est-ce que tu vas te battre pour le numéro 2? Parce que ça va être fun quand même. Ça va être le fun d'aboutir à Chicoutimi l'an prochain là, avec l'équipe qu'on va avoir. Là. Ouais, ben, non, ça, j'ai regardé déjà que cette année, ils sont quand même bien classés. Là. Oui. Et avec les deux choix qu'ils ont eu cette année au repêchage, la Hendrix puis Théo Rochette, ça va être des bons professeurs l'année prochaine. William Dufour aussi. Et, ouais, c'est ça aussi, ouais, qui a amené à Noël. Ouais. Que, non, mais ça, je vais me préparer comme l'année passée, je vais m'entraîner fort, puis je vais arriver au camp prêt, puis tout donné comme j'ai donné aux deux derniers soirs. Est-ce qu'on t'a parlé du côté des Saguenay? Est-ce qu'on t'a suivi cette année? Est-ce qu'on t'a donné des conseils pour ta progression? Au début, il y avait. Je répondais à un petit sondage là, à chaque deux semaines. Okay. Puis après ça, je tenais en contact aussi avec Alex. Puis après la série, il m'a dit qu'est-ce que ferait Jean Lignard pour ce qui s'en vient. Donc, OK, donc tu te rapporteras pas au Saguenay. Des fois, ça peut arriver qu'il y a des jeunes qui viennent avec l'équipe s'entraîner, connaître un peu le prendre le bain de la Ligue. Ça, tu ne feras pas ça cette année, c'est ça? Non, ça, j'espère pas ce que je sache. OK. Ben, Hugo, félicitations. C'est pas mal le fun d'avoir ça avec 86 arrêts. T'sais, on parle de Ron Tognot. Tu n'as déjà entendu parler ça demain, Ron Tognot avec les Nordiques dans le temps? Ça ressemble. Non, jamais entendu. T'avais jamais entendu du match de Ron Tognot à Boston où il avait bloqué, je pense, ses 73 lancés avec les Nordiques? Non, oui, j'ai jamais entendu. T'as jamais entendu parler de ça? OK. Donc, t'as fait parler pas mal de toi, en tout cas, à travers le Québec, puis bravo. Puis au plaisir de se parler avec le Hawken des Saguenayens. Ouais, excellent. Hugo Chiasson, le gardien de but de l'équipe de Châteauguay, qui a bloqué 86 lancés dans le match de mercredi soir.